Vous vous laissez bien trop aller, votre couple ne tient pas. Il va falloir trouver un truc pour oublier tout ça. Vous êtes porté le kiwi au Danemark. Allez, en plage 34. Votre priorité c'est de trouver une meuf. Allez, en plage 39.